Bernard de Montréal propose une définition du génie qui dépasse largement la vision traditionnelle fondée sur l'intellect ou la biologie. Pour lui, le génie ne vient pas des gènes, mais plutôt de la sensibilité génétique à l'énergie astrale ou mentale de haute vibration. Autrement dit, c'est la capacité des gènes à capter des fréquences élevées qui permet à un individu d'exprimer un génie, et non la génétique en soi. Il précise aussi que le génie est souvent lié à une faille, à une forme de souffrance ou d'isolement. Le génie, dit-il, est un homme qui n'est pas complet, un être qui, en raison de son involution, développe des facultés exceptionnelles, mais déséquilibrées. Il souffre parce qu'il est justement un génie. Finalement, BDM affirme que le génie est un stade karmique, transitoire. Il doit être dépassé. L'être humain ne doit pas aspirer à rester un génie, mais à devenir conscient, c'est-à-dire à intégrer son énergie à sa conscience supérieure. Dans certaines civilisations avancées, dit-il, être un génie, c'est aussi normal que pour nous d'être ignorants. Le génie, c'est pas une médaille, c'est pas un diplôme, c'est pas une foutue reconnaissance sociale. Le génie, c'est un accident karmique. C'est une distorsion de l'âme, un déséquilibre mental qui passe pour de la lumière. C'est pas un cadeau, c'est une dette, une fracture dans l'esprit d'un être qui capte des fréquences qu'il ne comprend même pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On le met sur un piédestal, on l'admire, on lui donne des prix. Mais lui, pendant ce temps-là, il souffre. Il est seul, il devient fou, parce qu'il est incapable de vivre normalement dans un monde d'aveugles. Et ça, c'est le drame du génie. Il n'est pas conscient. Il est utilisé par des forces qu'il traverse sans qu'il sache ce qui se passe. Il est manipulé par des entités, par son karma, par son ego astralisé. Et on l'appelle génie. On devrait appeler ça une pathologie vibratoire, une anomalie lumineuse. Tu veux être un génie? Ben, tu vas pleurer toute ta vie. Tu veux pas être un génie. Tu veux être conscient. Tu veux te libérer de l'illusion que le génie, c'est la finalité de l'évolution. Et dans les mondes évolués, là où les hommes sont vibrants, réels, lucides, le génie, c'est une banalité. Personne ne lève un sourcil, parce que là-bas, la norme, c'est l'intelligence pure, pas l'intelligence malade du génie humain. Ah, mais écoute-moi bien. La vraie folie, c'est pas ce que les psychiatres diagnostiquent, c'est pas les hôpitaux avec des pilules et des camisoles. La vraie folie, c'est vivre une vie entière sous contrôle astral en pensant que t'es libre. C'est croire que tes pensées viennent de toi, alors qu'elles sont injectées par des entités, des mémoires, des égrégores qui t'utilisent comme une marionnette. Tu veux parler de folie? La vraie folie, c'est l'ignorance organisée. C'est la normalité mentale collective. C'est le confort dans l'illusion. Le gars qui hurle dans la rue, il est peut-être moins fou que le cadre en complet cravate qui se croit maître de sa vie, alors qu'il est dirigé par des peurs, des désirs, des pensées qui sont même pas à lui, et la spiritualité là-dedans. Une autre folie, une folie bien habillée, parfumée à l'encens, pleine de prières et de mantras, mais folle quand même, parce qu'elle cherche à fuir la réalité vibratoire, à se protéger de l'esprit, au lieu de le confronter. Tu veux sortir de la folie? T'as pas le choix? Faut brûler tes illusions, faut éclater ton ego, faut te déchirer le mental, et là peut-être tu vas commencer à sentir ta propre intelligence. Pas celle de ton père, pas celle de ton gourou, pas celle de ton karma, la tienne. Pourquoi le monde moderne est un asile à ciel ouvert? Tu veux vraiment savoir? Ok, allons-y, parce que tout le monde est piloté par l'astral et personne ne sait. C'est un carnaval de personnalité. Un théâtre d'identité qui pense, qui veulent, qui pleure, qui rien, mais qui ne savent rien. Ce qu'ils appellent liberté, c'est une programmation mentale. Ce qu'ils appellent amour, c'est une dépendance affective astralisée. Ce qu'ils appellent intelligence, c'est une capacité à bien répondre aux attentes d'un système complètement fou. T'as une société qui valorise la compétition, la performance, la conformité, mais si t'écoutes des voix, t'es fou. Non, si tu crois que t'es maître de ta vie alors que t'as jamais contacté ton double, là t'es fou. Et tout le monde est dans ce bateau. L'école, c'est pas de l'éducation, c'est de la domestication mentale. Les médias, c'est pas de l'info, c'est du formatage d'opinion. La spiritualité populaire. Yetsk. Et tu veux qu'on dise que c'est la normalité? Non, c'est de la folie socialement validée. Le monde moderne, est un asile parce que les gens ne savent même pas qu'ils sont internés. Ils portent leur camisole psychique avec le sourire, en payant leur abonnement Netflix, en votant, en méditant pour calmer des pensées qui ne viennent même pas d'eux. Et quand un homme se met à voir clair, à entendre son réel, on le traite de dangereux, de marginal, de perturbateur. Parce que la vérité vibre et la vibration fait éclater les murs de l'asile. La mécanique astrale qui gouverne les masses, c'est le système d'exploitation invisible qui dirige les pensées, les émotions, les choix, les croyances de milliards de zombies qui se croient éveillés. C'est une usine vibratoire, une machine de guerre psychique qui injecte dans les corps subtils des humains des idées qui leur semblent personnelles, mais qui sont en réalité des programmes émotionnels déguisés en libre arbitre. Tu veux savoir pourquoi les gens votent tous les 4 ans, pleurent tous au même moment devant un film, s'indignent en chœur sur les réseaux sociaux, prient pour la paix en récitant des textes morts? Parce qu'ils sont branchés sur les mêmes circuits astraux, manipulés par les mêmes entités, soumis aux mêmes archétypes ancestraux, qui recyclent leur karma à l'infini. Et ça, c'est pas une théorie, c'est une mécanique. Tu veux te révolter? L'astral te donne une cause. Tu veux aimer? L'astral t'envoie une passion. Tu veux t'élever? L'astral t'offre une doctrine, un maître, une illusion de lumière. Et toi, comme un bon petit soldat de l'invisible, tu marches droit dans le mur en te croyant libre. Mais le pire, c'est que tout le monde adore ça. Parce que ça rassure. Penser comme les autres, sentir comme les autres, réagir comme les autres. Voilà comment on devient un pantin collectif habité par le passé de l'humanité, sans aucune conscience de soi. Et dès qu'un homme commence à s'éveiller, qui commence à voir que tout ce qu'il croit est programmé, il panique. Parce qu'il réalise qu'il n'a jamais pensé, jamais voulu, jamais vécu par lui-même. Comment l'astral infiltre la pensée rationnelle? Facile, en la faisant croire objective alors qu'elle est complètement colorée par l'émotion, la mémoire et la peur. Tu crois que ton raisonnement est logique? Tu crois que tu analyses calmement? Non, tu réagis. Tu fais semblant de penser, mais en réalité, tu justifies ton émotion avec des mots bien rangés, des idées bien structurées, des concepts empruntés à papa, à l'école, à la science. Tu veux pas savoir, tu veux avoir raison. C'est ça la pensée dite rationnelle moderne, de la rationalisation astralisée. L'astral adore les gens intelligents parce qu'ils sont plus faciles à piéger. Pourquoi? Parce qu'ils sont persuadés d'être lucides alors qu'ils sont simplement maîtres dans l'art de manipuler leur propre inconscience. L'astral infiltre la raison en t'attachant à des concepts fixes, à des valeurs sociales, à des croyances culturelles. Et il te fait croire que tout ça vient de toi. C'est une infiltration silencieuse, raffinée, vicieuse. Tu penses? Non. Tu fais du bruit mental organisé. Tu prends les vieux disques de l'histoire. Tu les remixes avec un peu de science et tu crois que t'es éveillé? Non. Tu es éduqué, conditionné, astralement validé. Le mental inférieur est l'autoroute de l'astral. Tant que tu ne dépasses pas la forme, tant que t'as pas brûlé l'intellect pour voir au travers de lui, t'es foutu. T'es un fonctionnaire du mensonge. La normalité, c'est la camisole invisible que l'astral t'enfile à la naissance et que tu portes toute ta vie avec fierté. C'est le moule, le cadre, la grille. C'est ce qu'on attend de toi pour que tu sois prévisible, docile, inoffensif. La normalité, c'est pas la paix, c'est la soumission mentale socialement validée. Tu veux ce mal? Tu vas penser comme tout le monde, ressentir comme tout le monde, voter, t'indigner, te reproduire, payer tes taxes et crever, comme tout le monde. La normalité, c'est la religion de l'ego inconscient. C'est ce que la société utilise pour t'empêcher de voir la vérité de ton esprit. Et le plus beau, c'est que tu te bats pour ça. Tu t'indignes si quelqu'un sort du moule. Tu le traites de fou, de marginal, de dangereux. Pourquoi? Parce qu'il t'oblige à voir à quel point t'es éteint. La normalité, c'est la peur organisée de la liberté. C'est la zone tampon entre l'homme réel et le chaos intérieur qu'il refuse de traverser. Un homme normal, c'est un homme mort en dedans, mais fonctionnel en surface. C'est un zombie social bien élevé. Mais un homme réel, un homme conscient, lui, il fait peur, parce qu'il dérange la paix infecte des normopathes. La sainteté? Oh putain, la sainteté! Voilà encore un concept empoisonné par des millénaires d'astralisme religieux. La sainteté, c'est le sommet de la mascarade spirituelle. C'est l'idéal qu'on t'a collé dans le cerveau pour que tu passes ta vie à vouloir être pur, doux, soumis, sacrificiel, pendant que les forces de l'astral te siphonnent l'âme à coups de prières et de bonnes intentions. Un saint dans le monde spirituel traditionnel, c'est quoi? Un être qui renonce à tout, qui souffre en silence, qui pardonne tout, qui vit pour les autres. Tu sais ce que c'est en langage vibratoire? C'est un pantin astralisé jusqu'à la moelle, un homme vidé de sa volonté, un être canonisé par l'ignorance collective. Mais le vrai problème, c'est pas le saint en lui-même. Le vrai problème, c'est que les masses en font un modèle. Et toi, tu veux être comme lui. Tu veux aimer ton prochain pendant qu'il te crache au visage. Tu veux tendre l'autre joue pendant qu'on te crucifie mentalement. Tu crois que c'est noble? C'est du suicide vibratoire déguisé en vertu. La sainteté n'est pas une élévation de conscience, c'est une fuite en hauteur. Une montée dans l'illusion, une glorification de l'impuissance. Un vrai homme conscient, il ne veut pas être saint. Il veut être lucide, réel, capable de foutre dehors ce qui n'a pas d'affaire dans son espace mental. Il ne cherche pas à être aimé, il cherche à être en paix avec son propre esprit. La sainteté, tu la brûles, tu la transformes en conscience vibratoire, en intelligence sans pitié pour le mensonge, même s'il est bienveillant. Parce que la vraie lumière, elle ne caresse pas, elle consume. Sage, tu veux dire ce gars assis en tailleur qui parle lentement, qui sourit tout le temps et qui fait croire qu'il a tout compris. Non, ça c'est l'image du sage que le système te vend. C'est le vieux masque spirituel qui sert à endormir les consciences et à légitimer l'inaction déguisée en paix intérieure. Le vrai sage, c'est pas un mec calme. C'est un être lucide qui a brûlé tous ses mensonges. C'est un homme sans compromis avec l'illusion qui n'a plus besoin d'être aimé, admiré ou suivi. Il n'en a rien à foutre que tu sois d'accord avec lui. Il dit ce qui est, point, et ça choque, ça bouscule, ça crame les faux-semblants. Un sage, c'est pas un clone zen sur Instagram. C'est une vibration tranchante, une intelligence sans forme, une conscience qui voit clair dans tes menteries astrales. Et tu sais ce qu'il ne fait surtout pas? Il ne donne pas de recettes. Il te dit pas « fais ceci, fais cela ». Il te laisse te démerder avec ta merde mentale jusqu'à ce que tu aies assez souffert pour vouloir voir. Parce qu'un vrai sage, il te libère, il te sauve pas. Il te fout à poil devant ton ego et il te dit « maintenant regarde ». Le sage, c'est celui que tu détestes avant de le comprendre. Parce qu'il renverse tout ce que t'as chéri, toutes tes croyances, ta petite morale, tes beaux idéaux spirituels. Il t'arrache tes béquilles et il le fait parce qu'il voit en toi ce que toi tu refuses de voir. Pourquoi l'icône du sage est une figure castrée? Parce que l'humanité ne peut pas supporter la vraie sagesse. Alors elle l'a transformée en caricature, en vieux bonhomme doux, pacifiste, patient, inoffensif. Un sage comme il faut, c'est un mec qui dérange personne, qui remet rien en question, qui donne des conseils vagues sur l'amour, la paix et l'acceptation. C'est pas un sage, c'est un sédatif collectif. On l'a castré, le sage, pour en faire un modèle qu'on puisse vénérer sans avoir à se transformer. Tu le mets sur un piédestal, tu l'admires, tu l'imites, mais surtout, tu n'écoutes jamais ce qu'il dit vraiment. Parce que si le vrai sage te parle, il va exploser ton ego, il va faire voler en éclats tes certitudes, il va te foutre le nez dans ta peur, dans ton attachement à la forme, à l'image, au confort. Mais ça, les masses n'en veulent pas. Elles veulent un sage qui console leur inconscience, pas qui la transperce. Alors, on le désactive, on lui enlève sa lame, on le spiritualise, on le mystifie, on le rend gentil. Race, un faux sage qu'on adore parce qu'il ne dit plus rien de dangereux. La sagesse, vraie, brute, vibratoire, c'est une guerre contre le mensonge. C'est une lumière qui tranche, pas qui caresse. Et ça, personne veut le voir. Donc on garde le sage version tisane et citation Instagram, pendant que le vrai, lui, se tait ou s'en fout.